rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Révolution Urbaine. Révolution Urbaine, ça y est, c'est parti. Coup d'envoi, une nouvelle semaine dans Planète Rap. Comment ça va, messieurs? Ça va, on est là, on est là. Eh bien, bienvenue pour passer une semaine et surtout faire découvrir cet album qui sort dans 7 jours. C'est ça, le 5 mai. Lundi prochain, mais je crois qu'on peut le précommander. C'est ça. Tout de suite. Sur iTunes. Tout de suite. Tout de suite. Ils n'ont pas d'excuses. On peut aller cliquer pour récupérer Révolution Urbaine. L'album s'appelle Cheval de Troie. C'est ça. Bon, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes content du boulot? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes détendu? Ouais, je pense que c'est notre apogée à notre échelle. C'est notre apogée. Révolution Urbaine, Cheval de Troie, c'est la conclusion ou surtout la synthèse de nos 8 ans de carrière, nos 8 ans de rap. Bah oui, parce que mine de rien, ça fait 8 ans, je voulais qu'on parle un petit peu de cet historique, mais voilà, à l'origine, donc, on va aussi rappeler que vous êtes 4 dans le groupe. C'est ça. Avec le DJ, la mèche qui est là, avec. Mèche-tain. qui est là. Zino, Brigante, Machiavel, c'est les MC du groupe de Révolution Urbaine. Yes. Et que l'histoire commence où alors il y a 8 ans? Alors l'histoire elle commence dans une association de quartier qui s'appelle le Mille Pattes. C'est ça. Qui se trouve dans le centre-ville de Marseille en fait. C'est un endroit que tous les rappeurs débutants on va dire côtoyaient. On pouvait enregistrer là-bas, répéter, c'est là-bas où on s'est connu. Bon, vous connaissez voilà, depuis cette époque quoi. Non, depuis bien avant, on se connaît en fait de quartier, de l'école, du football. On habite 3 quartiers du centre-ville en fait qui sont assez proches. C'est quoi, c'est Opérin? Opérin, Noa et La Plaine. Et La Plaine, ouais. Centre-ville, quoi. Le centre-ville, yeah. De Marseille. Donc on a fréquenté à peu près les mêmes collèges, les mêmes clubs de foot, les mêmes parcs où on jouait. Donc, alors qu'est-ce qui va être le déclic pour monter Révolution Urbaine alors? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment on se dit, bon bah, pourquoi pas tenter l'aventure, on aime rapper, c'est notre truc, on aime ça, on aime cette musique. Le fait de se retrouver, parce qu'on a commencé à rapper tous ensemble, et chacun dans notre coin un peu, et le fait de faire des freestyles tout le temps ensemble et tout, un beau jour on a décidé de monter le groupe et aller ensemble avec nos 3 forces respectives. Avec les 3 forces. C'est ça. Et donc ça. Depuis, mine de rien, c'est vrai que le chemin, ça vous a paru long d'ailleurs, c'est 8 années ou... C'est passé vite. Non, c'est passé très vite. Ouais. Ouais. C'est passé très très vite. Bah, y a eu aussi une signature, c'était quoi, en 2009, c'est ça, chez Street Skills? Street Skills, ouais. François. La Bella Soprano. Ouais, la belle de Sopra. Bah, Sopra, d'ailleurs, on va l'écouter avec vous sur le morceau No Life. Yes. Dans un instant. Donc, pareil, c'était une belle rencontre. Vous connaissiez aussi pareil. Enfin, tout le monde se connaît un petit peu quand on fait du rap à Marseille. Oui. Moi, c'était familial. Après, on le connaissait pas réellement personnellement. Mais on avait déjà eu l'occasion de se croiser dans des concerts. Et voilà, nous en fait on voulait sortir un projet qui était L'Histoire ne fait que commencer, qui était notre premier projet. Et on voulait Soprano en featuring dessus. Donc on l'a appelé, enfin on a appelé Matteo, qui est son manager et qui est le nôtre à présent. Et voilà, il nous a dégoté un petit rendez-vous avec lui pour qu'on puisse poser. Donc derrière on a posé un morceau, ils nous ont proposé une signature. Et bah, voilà. Tu le disais en 2009, donc ouais, en effet c'est la sortie de L'Histoire ne fait que commencer avec aussi ce gros morceau. Révolution Urbaine. Wow. Voilà, Miss. Oui, ça papaya. Avec mon ami et moi. Voilà, c'est vrai que c'est un morceau qui a marqué celui-ci. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. C'est nos débuts. 2007, c'est ça. 2007, ouais, Marseille. Et donc c'était sorti sur le projet, voilà, le street album de Révolution Urbaine. Et puis arrivera aussi en 2012 le EP, le Révolution Acte 2, hein, c'est ça qui arrivera en 2012. Ouais. Avant donc la sortie de Cheval de Troie la semaine prochaine. Inch'Allah. Avec plein de gros morceaux franchement dessus, vous avez bien bossé les gars. Merci. C'est un bel album. Merci. On est content de vous recevoir tous ici voilà, pour vous faire découvrir cet album. Ouais. Et on va débuter avec le morceau du moment qui a été envoyé il y a peu de temps, celui avec Sopra. No Life. On a tout mis dessus. Donc petit clin d'œil évidemment avec Sopra toujours. Ouais. Le morceau s'appelle No Life et il figure sur l'album. On l'écoute maintenant. Yeah. Blue, blue, ok. Blue formaté par MTV Base, Steve Jobs et le groupe Bilderberg. La drogue et de la bouffe de synthèse pour un cancer à la trentaine. Génération cocaine, MDMA Lil Wayne. Tapé comme des rockstars, on veut peser jusqu'à The End. Qatar et Chine pour un monopoly de l'Europe. Et moi j'attends Marseille en nouvelle map sous Call of. Ils annoncent la neige dans les Caraïbes cet automne. Disney fabrique d'enfants stars pour Gomorrah et Sodome. Tu demandes pourquoi l'or se rachète, pourquoi êtes-vous si bête? quand les billets rempliront les brouettes pour une baguette. Nous tout ce qu'on veut c'est faire la fête et les réalités vedettes. Parle pas de réchauffement de la planète, je peine à réaliser mes rêves. Marre de trimer, à se défoncer au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Ce qui domine c'est l'audace. Révolte. Plus on verra si ça passe avec une pyramide dans le cul. Plus de voitures à la chaîne, moins de fuel pour rouler. Peut-être qu'on verra Ben Laden au bord de la plage. Et puis après, moi je me demande où l'on vit. En France à ce que l'on dit. Même si Marseille a des allures de Colombie, il paraît qu'il reste plus beaucoup de temps pour les traîtres. Une pensée pour le pape qui est parti en retraite. Tous ceux qui s'engraissent, bien sûr te diront, vaut mieux être un chien en Grèce qu'un chat en Iran. Je sais plus ce qui me choque le plus de toute façon. Un homme avec des ins ou bien du cochon dans le poisson. Je sais pas si tu sais qu'on est tous un peu dingue, qu'on est tous un peu fêlés. Pour un peu de monnaie, les jeunes ont décidé de plus viser les mollets. Maman change de chaîne, ce soir y'a mes fesses qui passent à la télé. T'inquiète pas, j'ai bien tweeté pour que le monde entier voit le QI de ton bébé. Dopé, dopé, dès le petit déjeuner, shit. Antidépresse riche en fibres pour affronter la journée. Stoppé, stoppé, l'aigu du temps est impossible. Me faut du botox anti-ride pour l'éternelle beauté. Le monde des hommes est complètement fou. À force d'en mettre plein la vue, l'avenir est complètement flou. Depuis les Facebook, Twitter, Instagram, y'a pas qu'avec le shit que les neurones sur l'instant. Marre de trimer, à se défoncer au taf. C'est fini les Bahamas, on voudrait habiter dans l'espace. Sur la lune pour toucher les stars, nous on t'allume pour toucher l'extar. Un pote qui prend des paris, bientôt des Big Mac en Somalie. L'être humain est des manies, mais que va devenir ta mamie? Les instituteurs, les manifs, les restos du cœur, les manix. Des barbares et des idaïques, des petites rabats qui jouent les caïds. Du shit dans les caddies, les femmes en lingerie, les barbus. I am in a villa, en nouvelle égérie, je barbie. Puis sans lit par la racine, oh, prof de mathématiques. Derrière la rue paradis. Marre de trimer, à se défoncer au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine c'est l'audace. Toi t'en as rien à faire, tant que t'es bien dans tes godasses. Marre de trimer, à se défoncer au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine c'est le cash. Toi t'en as rien à faire. Génération no life, génération no life, génération no life. Révolution urbaine avec Sopra à l'instant pour No Life. Voilà, morceau que vous retrouverez sur l'album Cheval de Troie. À pas louper la sortie, c'est la semaine prochaine. Inch'Allah, oui. Lundi prochain. Lundi prochain. Dans les bacs. Lundi 5 mai dans les bacs. Est-ce qu'il était compliqué à faire cet album ou pas? Ou est-ce que... Non, pas réellement. Ça fait un an et demi qu'on bosse dessus. Un an et demi. Depuis la fin de l'acte 2 déjà. On a eu quoi? On a eu à peu près une cinquantaine de morceaux qu'on a fait. Et ça, c'est une sélection des meilleurs titres pour nous, en fait. C'est la crème, comme on dit à Marseille. Et c'est le meilleur. La crème de la crème. C'est la crème. C'est la crème. La crème. La crème. Non, mais c'est vrai que je le disais tout à l'heure en début d'émission, vous avez signé avec Street Skills en 2009, donc le label de Sopra. Est-ce que, voilà, 2009, 2014, est-ce qu'à un moment on se dit pas c'est long, on a envie de sortir plein de choses, même s'il y a un EP qui sort de temps en temps? Ouais. Comment, oui, c'est quoi? C'est justement Sopra un rôle important, vous disant, allez-y tranquille, les gars, faites le boulot. Comme vous le sentez, on nous a toujours c'est, dit. C'est surtout aussi après, c'est chacun, enfin c'est nous-mêmes, on se sentait pas prêt, tu vois. On n'était pas prêt à défendre un véritable album. Là aujourd'hui, on l'est. Donc c'est surtout ça qui fait qu'on est là aujourd'hui et qu'on le défend. Et qu'on le défend. Vous avez mis combien de temps à faire celui-ci, cet album? On prend toute la durée. Deux ans maxi. Ouais, deux ans. Ouais, peut-être par exemple, le No Life, ça c'est arrivé dans les derniers, celui-ci. Ouais, c'est un morceau qui arrive dans la fin. Bon, et puis il y en a un autre qu'on va écouter dans un instant qui s'appelle La Provence, qui est, je sais pas si c'était le premier extrait de Cheval de Troie que vous avez balancé, si. C'est ça. C'était le premier extrait, donc, bah, morceau qui fait, j'ai envie de dire, un petit clin d'œil aux événements pas forcément gays qui sont passés dans votre ville. Mm-hmm. C'était important justement d'écrire un morceau autour de ça. Est-ce que vous avez l'impression aussi que parfois, ce qui est retranscrit, ce qui est dit sur Marseille, C'est ce qui envenime les choses, tout simplement. Ouais. C'est ça. C'est ce qui nous a poussé à écrire ce morceau. C'est ce qui nous a poussé à se dire ça, à se dire que tout ce que les médias engendraient, c'est qu'ils créaient de plus en plus de violence. Mmh. Et que chaque jour, c'était de pire en pire. Entre les reportages, les documentaires, que sur Marseille, et ça diabolisait. C'était en réponse à ça, justement, ouais. À tous ces reportages et tout. C'était une réponse, en fait, de trois habitants de Marseille, comment eux, ils voyaient la chose, et pas les journalistes venus d'ailleurs. Mmh. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un moment, c'est un peu trop focalisé sur Marseille, même si, voilà, faut pas nier non plus, il y a une violence, mais il y a aussi parfois des morts par balles d'une façon assez violente. On a eu encore, malheureusement, récemment l'exemple il y a quelques semaines de cela, mais que voilà, de voir comment c'est retranscrit dans les médias, la télé, dans les journaux, c'est un peu dur quand on vit vraiment à Marseille. Ouais, moi je pense que c'est pas un problème qui est qu'à Marseille, quoi. En fait, il doit y avoir des morts un peu partout en France par rapport au règlement de compte, mais j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment je sais pas, focaliser le truc sur la région PACA ou quoi que ce soit, je sais pas ce que et c'est. Comment vous l'expliquez ça, vous avez une explication ou non? Même je pas. Je sais pas, je comprends pas. Non. On comprend pas. Même no pas comment. Petite, même no pas comment. Une petite idée. On ne pourrait pas dire pourquoi. En tout cas, on y a répondu à la place du journaliste. Je veux savoir ce que j'en pense. Rien, vu que je marche avec les mecs qui font flipper la France. Eh bah tiens, écoutons-le, ce morceau qui s'appelle La Provence. Si vous le connaissez pas encore, écoutez bien les paroles de Révolution Urbaine sur ce morceau. Et dites-nous aussi avec le hashtag rue sur Skyrock, RU sur Skyrock attaché. Vous envoyez ça, ça arrive direct dans le studio 41 759. Cheval de Troie, Révolution Urbaine, Planète Rap. Le 5 mai, c'est dans les bacs. Street Skills. Yeah. En route vers le progrès. Une politique d'un autre âge à bord d'un porte-avions qui a peur du naufrage. Marseille et ses allures trop calmes, la capitale de la fracture sociale. De nos jours, faire de l'argent, c'est fastoche. Poum poum, un homme est mort pour une sacoche ou pire pour une catote. On vit sur le fil du rasoir, on tiendra pas longtemps mais tout le monde s'accroche. Ils montent au créneau une fois que le sang est propagé, mais les requins n'ont pas besoin d'apprendre à nager. Ici on en a rien à foutre de leur ministère, plus vicieux qu'une boutique de fleurs face au cimetière. J'ai voulu planer, les stupéfiants sont prohibés, alcool et suicide autorisés. La colombe est morte, il nous reste plus qu'à tout niquer. Étant donné qu'on rentrera pas tous dans leur comité, vous êtes fous, devant qui vous prosternez-vous? Jeune mouton, le berger est pire que le loup. Tu votes à gauche, hein, t'es brave, t'es un rebelle. Avec ton smic, t'es un esclave moderne. Je m'en bats les couilles d'être sur la liste. Je fais juste le vrai travail d'un journaliste. Je dois taffer plus dur, je suis mal vu comme un salafiste. Les petits n'auront pas de futur, mais ils pensent que c'est ça la vie. Ils parlent d'armes et veulent savoir qui vendent le plus. Le savoir est une arme, ma culture vous tire dessus. Exilé partout, depuis l'apartheid. On vient juste récupérer ce qui nous appartient. Celui qui braque taf à BNP, ils font exploser l'audimat sur la TNT. Ils parlent de Marseille mais n'y ont jamais mis un pied. Et y'a comme un goût de FN à l'UMP. Le bâton du berger face aux brebis égarés. Au pays du coq, tous les képis crachent au poulailler. À croire que les États s'unissent pour mieux nous manier, pendant que ceux qui nous dirigent criben à les boumailler. Marseille, capitale de la calache russe. Braquage, arme, arnaque, Dallas pute. Barrage, ham, ça gratte la carte à puce. On se croirait à Gaza en matant Canal Plus. Les mafias d'Asie, les bandes organisées. Les Roms veulent légaliser le vol d'organes, tu sais. Les skins et les nazis font leur bail discret. Le shit et l'extasie t'emmènent à Walt Disney. Les écrits des journalistes piste tu glisses. Que si t'es Souraya Bon Ali, le fisc te surveille, demande à Mélanie. Ton fils sera victime d'une anomalie. Ouvre les yeux mon ami, une femme nue en Roumanie, des détenus au Mali, des guerres et des manifs, un peuple nourri au maïs. Ici ça fume la weed, personne joue à la Wii. Que des guns et des calibres qui tirent pour fêter la Eid. Tu teases, tu smokes, époque no life. Tu sniffes la coque tout en sachant que la drogue t'aura. Bernard Tapie pour sauver le championnat. De Marseille à Manchester, demande à Cantona. Au chômage avec un doctorat. Tu seras pas la mère de mes gosses si tu mets du gloss, connasse. Un salaire en toc face à ton boss, gros lard. Tu veux faire le tour du globe, faut que tu bosses, connard. Quand l'huissier fait toc-toc face au gosse normal. Soit disant c'est de notre faute, vas-y pose ton arme. J'écris sur mon bloc-notes ce qui cause ton mal. Ce que je raconte, je l'ai lu dans le journal. Clic, clic, clac, clac. Voici les symphonies qui font marcher au pas. Marseille s'embrase, c'est ce que disent les médias. Depuis que la pauvreté a balayé leurs lois. Discrimination, un affront à la nation. Nos habitants ne sont pas dans leurs habilitations. On vit que pour la réputation. Il manquerait plus que l'un d'entre nous un plastique et un fourgon. Tu veux savoir ce que j'en pense? Rien vu que je marche avec les mecs qui font flipper la France. Connais-tu l'odeur de l'acide dans un bloc? Les seringues mortes à 8 ans, je côtoie les tox, le proc. Distribue les peines comme du pain. Et moi je termine le mois au menu larcin. Ici bas tout va bien cousin. Et le centre-ville c'est le patrie devant le guichet parisien. Le nord règne sur le trafic, c'est la loi du métallique. Saluer les parias en provenance d'Afrique. Le sud n'a plus rien de magique. Balistique sur balistique. Et ta daronne croit toujours que t'es le plus sage de l'équipe. C'est soit t'es cruel ou soit la truelle. Et la crasse a recouvert toute la beauté de nos ruelles. Le duel entre mafieux et politique. Ou lequel d'entre eux battra des records niveau banditisme. Bloqué dans l'escalier, va savoir tout ce qui nous échappe. Je suis l'allié des damnés. Donc on t'invite à ranger ta plaque. Toute la journée dans les vagues. Va leur faire croire qu'on a gobé toutes leurs blagues. Remballé, je suis vacciné, on n'est pas allé. La Provence, voilà ce morceau que vous retrouverez évidemment sur l'album. C'est d'ailleurs le morceau important puisqu'il ouvre l'album celui-ci. C'est ça. C'est ça. Et il y a un truc à dire, c'est que à demain. La base, il devait y avoir une intro aussi. Il y a un truc à dire aussi, c'est qu'à la base, il devait pas ouvrir l'album. Il devait y avoir une intro qu'on n'a pas pu garder, que DJ Sia Style nous a faite. C'est vrai. Donc, dédicace à lui. Pas lui, il avait fait un très très gros travail dessus. Si on spoil. Et c'est quoi, question de droit de. C'est ouais, très c'est compliqué. Ça. Ouais. Ouais. D'accord. Mais donc, la Provence, pour en revenir à la Provence, demain. Demain, soyez à l'heure. Le clip officiel de la Provence sera balancé en direct. Demain, en direct des locaux de Skyrock, la famille. Bon, demain, juste avant l'émission, pendant l'émission. Un peu avant l'émission. Réalisé par l'équipe à G6, la peste. Yeah. Gros big up à G6 d'ailleurs, qui sera là demain, Inch'Allah. Et ben, on découvrira ça. Oui, c'est vrai qu'il était venu. Vous étiez venu dans le Planet Trap de G6. C'est ça, il nous a invités. Ouais, parce que je crois qu'il avait bien kiffé le morceau. La Provence. Exactement. Ce qu'il nous avait expliqué, il avait dit waouh, écoutez un morceau, là, la Provence. Bah, depuis, ils sont descendus avec son équipe. Pour nous réaliser le clip de la Provence et un autre clip encore. Bon bah donc demain la Provence le clip arrive. Ouais, demain. On pourra en parler durant l'émission. Vous pourrez aussi balancer avec le hashtag russe sur Skyrock toutes vos questions. Moi j'ai une petite question à poser cette fois-ci, c'est pour repartir avec l'album dédicacé. Chaque soir on file les albums dédicacés. Ce soir c'est évidemment celui de Révolution Urbaine dédicacé par l'équipe de rue. Question simple. Là, c'est donné, c'est cadeau ce soir pour la première. Bénef. De quel quartier au pluriel viennent Révolution Urbaine? Ah. On l'a dit tout à l'heure. Ah, question piège. Bon, simple, non? Oui, c'est simple. Si on suit, on peut trouver facilement. Simple. Allez-y, de quel quartier vient le groupe Révolution Urbaine? Mais j'ai envie de dire de quel quartier au pluriel. Allez-y. 41759, si vous avez la bonne réponse avec le hashtag rue sur Skyrock. On mettra un autre titre dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on passera, messieurs? Ça va être un morceau qu'on a appelé Les Enfants du Soleil. Les Enfants du Soleil, c'est un inédit, total exclu. C'est une grosse exclu qui arrive, mais pas tout de suite. Juste avant, un autre son aussi qui fait parler de lui depuis tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous l'avez écouté. C'est le morceau de Niro qu'on va vous balancer maintenant. Mm-hmm. Pas écouté encore? Non, on va encore. Le découvrir. Et bon, on va le découvrir tout de suite. Il est en train de faire déjà un véritable carton. L'album arrivera au mois de juin pour Niro. Yes. Et en voici le premier extrait tout de suite. Planète Rap, c'est la famille. 20h-21h sur Skyrock. Niro et Vivastré tout de suite.

plein de personnes. Semaine, c'est toute la semaine, c'est toute la semaine. Vous inquiétez. Kakou. Par exemple, les enfants du soleil qu'on va écouter, c'est. Malaika. Malaika. Malaika, une grosse dédicace à lui. Ousni et Mej aussi. C'est vrai. Ousni et Mej, désolé. T'as eu une oreillette ? Hein ? Ouais, j'ai eu une oreillette. D'un coup, un petit message là-haut, les gars. Message sublime. T'as un petit message. La famille. Dans l'oreillette, on va revenir dans un instant. Donc, on balancera ce morceau qui s'appelle Les Enfants du Soleil. Oui. Loupez pas, on filera aussi la réponse à la question que j'ai posée il y a quelques minutes. De quel quartier vient le groupe Révolution Urbaine ? Quel quartier au pluriel ? La réponse, c'est juste après ça. Bougez pas. Révolution urbaine a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Révolution urbaine toute la semaine dans Planète Rap avec la sortie de l'album. On est à 7 jours de la sortie de Cheval de Troie à découvrir cette semaine avec un morceau en exclu dans un instant, Les Enfants du Soleil à découvrir. Yes. C'est ça. Et yeah. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut. Quand même, je voulais faire une petite dédicace à ce qui venait d'arriver, l'équipe de CBR Click, la famille. En Ibaba, Malek du 9-4, Pâté, toute la famille, Axwell, Nour, et voilà. Bon, les amis, la famille, tout le monde vient dans le Planète Rap consacré à Révolution Urbaine. J'avais posé une petite question il y a quelques minutes. De quel quartier au pluriel vient le groupe Révolution Urbaine? La réponse, c'est Maxime. Maxime de Troyes qui nous appelle. Cheval de Troyes, Maxime de Troyes. Maxime de Troyes. Il y a que du Troyes. Bonsoir, bonsoir la Révolution Urbaine. Donc, c'est Noir, il opéra, il appelle. Alors, vas-y, attends, redis-nous, Maxime. La plaine, c'est Machiavel. Ah oui, en l'opéra. Plus, c'est... L'opéra, c'est qui, l'opéra ? Vas-y. Brigantine, ouais, c'est Zino. Oh, aïe. Sans faute. Maxime de Troyes. Ah, bravo. Parce que moi, je vous suis 2007, je suis un de vos plus grands fans. Aïe, ça fait plaisir. Là. Et bah, tu veux leur dire un petit mot ? Tu veux poser une petite question, Maxime, au groupe ? En tout cas, je voudrais vous féliciter, les gars, parce que quand même, vous êtes le renouveau du rap marseillais et quand même, vous faites du très bon travail avec le Cheval de Troyes. Et merci. Merci, ça fait plaisir. Ça nous passe droit au cœur, le frère. Bon, t'as suivi un petit peu les morceaux qui sont arrivés et tout, Maxime ? Ouais, ouais. Ils sont pas mal. Pas déçu par la Provence, par No Life. Ah non, ils sont pas mal. Très bien. Donc toi, tu as bien noté la date du 5 mai. Ouais, bah ça, j'ai noté. Est-ce que tu l'as précommandé? Ouais, c'est déjà fait. C'est déjà fait quand la mèche, je suis l'ami de Lien. Ah, en plus, tu connais aussi la mèche. Merci la mèche. Eh, hey, tu nous as pas dit d'ailleurs de quel quartier venait la mèche? Ah, ça, je sais pas, par contre. Il vient de Noailles aussi à la base. Et il vient de Noailles aussi. Ok Maxime. Ouais. Et ben on t'envoie non seulement ta commandée, donc tu pourras le recevoir sur ton portable, sur ta tablette, un peu partout l'album, mais on t'envoie aussi la version physique avec la dédicace de Révolution Urbaine dessus. C'est pour toi Maxime. On t'envoie ça du côté de 3. De 3. Voilà. A plus Maxime. Cheval. Allez, salut. Ciao. Passe une bonne soirée. On va écouter donc un extrait, une exclue maintenant. Oui. Vous voulez dire un mot sur celui-ci, sur Les Enfants du Soleil? Il arrive à quel moment de la construction de l'album celui-ci? Plutôt avant, plutôt dans les derniers? Plutôt dans les premiers. C'est au milieu même. Ah, c'était même le premier, je crois. C'est le premier qu'on a fait. Ah, pardon. Dans... Les Enfants du Soleil. On l'a fait, oui. Ouais, c'est le premier qu'on a fait. Ah, c'est le premier enregistré pour l'album. Ouais, c'est ça. Et bien, on va l'écouter maintenant, extrait de l'album qui sort lundi prochain. Hey! Venga! La la la la la la! Wow! Giga per papu ojo! Storia di che sminizzi un solo, lagrima scina odio, corazon che di oro, na ruota mata compare, nutanda cu diare, tocca se o so cupade, l'avanzan si un cae. Viens faire un tour en bas de chez moi. Les favelas répondent ni à l'état ni à ses lois. Sous marijuana on attend le jugement final. Les innocents aux mains pleines veulent qu'on soit coupable. Les avocats témoignent pour que j'y laisse mon patrimoine. Les yeux vers le ciel, seul je contemplais la lune. Mon frère aîné est décédé dans la nuit. Je réalise que je vais céder à cette allure. Si ça continue c'est décidé, je les allume. Pendant que les touristes pensent à se mettre du monoeil, ils espèrent voir une pierre tombale à mon nom. Alors non, je n'irai pas baquer pour la monnaie. Allons bon, plus tard je serai une star du ballon rond. Parfois je rêve de gagner la bataille de Dolce Gabbana, de bronzer à Copacabana. Mais la réalité s'abat contre toi, contre moi. La liberté j'entrevois. Diga per papu ojo, storia di che sminizzi un solo, lagrima scina ojo, corazon che di oro, na ruota mata compare, nutanda cu diare, tocca se o so cupagine. putain si on caille. Hijo de la calle, que se cree hombre, un bandolero que no respeta a su madre. Su único sueño ser el mero mero, un ladrón que no puede vivir sin dinero. Voici l'histoire d'un jeune perdu, sourire aux lèvres, venu en France respirer de l'air pur. Pas de raison que des excuses, le racisme prend du poids, donc mes mots je ne les pèse plus. Mon père n'a pas de taf et roule en Benz, ma mère attend les bons de la CAF et fouille les bennes. Au bord de la mer je me prélasse cool, y'a mes fratello plein de recoups, pas de quoi payer mon casse-croûte. Et si tu raillaves, tu bédaves, tu te la tchaves. Rappelle-toi que ces mots viennent de chez nous, poteau, y'a pas de mal. J'ai dû partir et tout perdre, et puis j'ai regretté quand mes yeux se sont ouverts. Storia di che sminizzi un solo, lagrima scina odio, corazon che di oro. Na rua ta mata compare, no tanda co diare, troca seu soco padre. L'avanzan si un cae, marra salvatrucia sempre. Don't play with on the heavy. Dans la cité des anges, les ailes coupées par l'orée. All que je squatte. With the family is a drug I smoke. Fuck todo enemies. Protège mon barrio avec mes carnales. Fais des virées carnage. Le corps rempli de tatouages et tendrage. Condescendable, juste un coin de rue nous sépare. Venu peut-être du même village, venu peut-être du même rivage. J'alimente les rues pour les tocs sans manque. Je fais cramer la cuillère quand des potes s'en vont. Fais des éloges funèbres pour des corps sans nom. Encore je m'enfonce, le diable m'accorde son temps. Je pense pas passer la trentaine, je pense pas passer la vingtaine. Je compte même pas passer la ruelle en fait. Je suis qu'un prisonnier de plus dans un gang. Et si ça t'en chance mon frère, giga pète pas pour autre. Storia di che sminizzi un solo, lagrima scina odio, corazon che di oro. Na rua ta mata compare, no tanda co diare, troca seu soco padre. L'avantan si un cae, giga per pa pour autre. Rapproche-toi, viens voir. Storia di che sminizzi un solo, l'histoire des enfants sans soleil. Lagrima scina odio, plein les yeux, corazon che di oro. Le cœur rempli d'or. Na rua ta mata compare. On marche avec le diable, fumé pour toucher le ciel. Et relève-moi si je tombe. Le 5 mai c'est dans les bacs. Cheval de Troie, précommande. Va le chercher ou on viendra te chercher. Centre-ville Marseille. Street Kills. L'exclu, grosse exclu à l'instant, c'est extrait de l'album Cheval de Troie, Les Enfants du Soleil, c'est ce qu'on écoute à l'instant. Révolution Urbaine, vous voulez jeter un truc, je te vois, Zino. Ce morceau, moi, je sais que c'est le premier qu'on a conçu pour cet album et c'est mon chouchou, c'est mon préféré. Ah oui? Ouais. Chacun en a un différent dans le groupe. Ça dépend des humeurs. Ça dépend des humeurs. Bon, on pourra découvrir. Il y aura aussi, ne loupez pas là, dans un instant, on va attaquer live, grosse session live avec vous. Ouais. Et tous les soirs, il y aura du live, freestyle, des morceaux aussi de l'album ou peut-être même un petit retour en arrière. Ouais, je pense que là, on va te faire un retour en arrière déjà ce soir. Eh ben, très bien. Pas louper dans un instant. Juste avant, je présente Marocco 26 de Valence. Allô, Marocco. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va toujours en vacances, hein? Ah oui, t'es bien toi. Ah ouais, nous vers nous c'est les vacances là. Là c'est quoi, c'est 15 jours de vacances pour toi ou il te reste une semaine? Non, 15 jours, c'est on 15 a commencé jours. Vendredi. Ah bah ouais, donc t'es super bien là Marocco. Ah ouais, mais grave. Et bah bienvenue dans Planète Rap de Révolution Urbaine que je te présente, ils sont là. D'accord, gros big up, hein. Il faut aller pêcher l'album la semaine prochaine, hein. C'est ça, big up à toi. Cheval de Troie. Zino, il est lourd, Zino, j'aime bien. Merci mon frère, merci. Et bon, on t'écoute rapper maintenant Marocco. Ok, pas de soucis. Allez, c'est parti, session freestyle par téléphone, okay. On y va. Yeah. Fais le M, tu me reconnais. Si. Yo, ça fait 1 pour mon département, 2 pour mon plage, 3 pour mes gâteaux, 4 pour mes phases, 5 pour mon flot violent, 6 pour tes couilles volantes, 7 esquive-moi dans ma coude volant, 8 pour les cuites et 9 pour les buzz, qui sera PQ en 2011-2012, fais mon buzz, et oui, je leur fais peur comme un vendredi 13, mon flot explosif comme un 14 juillet, ça fait 15 pour mes frais, qui te ramènent, c'est Marocco, 16 mesures, je viens tout piller, bientôt, 17 piges, fais la guerre au MC comme un 14 juillet, 19, pas dans ta tête, c'est en face qu'on est. maîtrise, tu les 20h, je batterie 21h, ou la 6, quand je te sors le pied troyen. Écoute-moi ça, 23, et le rap j'ai les méchis, le rap j'ai les popo, tout comme Jack Bobo, tous les jours on vise le 24 chrono, 25 coups de couteau dans ta tête, si tu poucardes ou si tu mens, 26, bon département, yeah, dimanche 4 mai, faut que tu sois là, c'est pour les duvois, c'est pour les duvois, dimanche 4 mai, faut que tu sois là, c'est pour les duvois, c'est pour les duvois, blah. Ok, Marocco 26 à l'instant, en freestyle, merci à toi. Lourd. Merci à vous. Eh ben, bravo, mon pote. Petite dédicace, merci petit message à passer, on peut te suivre sur le net. Vas-y, c'est bon, moi jamais. Grosse dédicace à mon beatmaker Billy Beats, aussi à mes deux gars sûrs qui font que de me suivre, BDK Crew. Et grosse dédicace à tous ceux qui me soutiennent. Dimanche 4 mai, il y a un gros clip qui sort. Ça sera sur ma page Facebook, Marocco 26 sur Facebook. Et donc, voilà. Ces clips, c'est quoi? C'est toi, t'as clippé un de tes morceaux? Oui, j'ai une équipe avec moi, on essaye de progresser, avancer. Parce que c'est galère dans le rap d'avancer. Mais continue comme ça, la famille. Eh bah, beaucoup, voilà. T'as entendu, hein, Révolution Urbaine, c'est 8 années de boulot, hein, mine de rien. Ouais, c'est vrai, hein. ça mérite. Merci, frère. Voilà, faut pas lâcher. Non, ok. Eh bah, bon courage à toi, Marocco, ciao. Bon, merci à vous, hein. Passe une bonne soirée sur Skyrock maintenant, messieurs, si vous êtes prêts, les grands. Tiens, on parlait de clip. Le clip à pas louper, c'est demain de la Provence qui demain débarque. À 18h, je rectifie. Ah, c'est 18h. 18h pile, en exclu sur Canal Street. D'accord. Et le soir même, vous le retrouverez sur YouTube. Eh bah, terrible. Donc, 18h pour pas louper la Provence. Et puis, vous aussi pour pas louper, c'est sur Skyrock tous les soirs de la semaine, un petit peu avant 20h. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant? Oui. On y va? Je pense qu'on est comme d'hab. Révolution urbaine au micro, révolution urbaine en live, et les images sont sur skyrock.fm tout de suite. Allez messieurs, c'est parti. Ah ouais, mais là on fait un rappel en fait. Ça c'était en 2007, 2008, 2009, la famille Marseille. Pour ceux qui ont connu la révolution urbaine en 2007, en 2008, en 2009, c'était ça, la famille. T'aurais pas un 06? Ha, ok, yeah. Centre-ville, yeah. En quelques rimes, je décris ma vie en live de ma ville. Ta famille, vas-y, démarre vite, y'a les flics qui arrivent, esquive les cops sur le vieux port, en Clio de porte à 13 001 km/h, ça vient du sud, un fond dans le corps. Les bis élégantes, accostées par les gars galants. Sirote un coca présent tête à tête au bord des Catalans. Prends les paris pour les courses de jet ski. Les nazis crapules te font la cour avec des whisky. Minuit, DJ Alias, scratch à la plage. Chemise classe, Ray-Ban, place aux gentlemen de la night. On veut rentrer à pâle, on se profile entre deux. Une voix dans les plaies bourrées, improvise des pas. C'est ma ville, jour et nuit, les fêtes, les beaux rêves. Viens voir la canne bière, plus belle la ville, les beaux mêles. Notre-Dame, les gaziers, les radios gazées. Musical, rayon de soleil, les plus comme à Marseille. Rue d'Aubagne, la fac, la plaine, les Courbelles, c'est l'opéra. Sous le soleil, 13 000 décibels dans le casque. Un 3 MARS en lettres d'or sur ma plaque. Marseille, le panier, la tour est réformée. La Joliette et le palais. Sous le soleil, 51 grammes de Ricard dans le sang. Hisse les couleurs de notre ville comme les anciens d'antan. La vie de Gilson, c'est pas un film, y'a pas de mini-écologie. J'ai l'axe à Arby, c'est que mes potes, c'est tous des jazzés. Esquive la bague, j'ai payé 800 sans le permis. Accroche au niveau du tort, 500 un bras d'un vernis. C'est Poliakov et Red Bull, mon cousin. Star en croix et grosse l'air sous le coussin. Dans le morse, Tiki, faisant un con, c'est temps. Attends, il me reste du tabac sur la langue. De l'illégal, dans le cellophane. Plus de rançon, c'était en piste dans l'ascenseur social. De la coque dans un colis, la drogue sur le poli. Mec dans le film, mon pote, en quatre régions, on sort le chaud demi. Fumé, tu es on s'en bat les couilles. Feuilles, O, C, B, Malboro, paquet. Sous, on braque mon cousin. Mets des claques, mon cousin. Trois sur la plaque, casque intégral, mon cousin. Fais toucher la bavette sans faire de soleil. C'est révolution urbaine. L.O.N. écoute, c'est du rap tassa, mon cousin. Révolution urbaine, mon cousin. Centre-ville, mon cousin. Antiflip, mon cousin. On kick, mon cousin. Antiflip, mon cousin. Écoute, on déboule sans la cagoule. Et ma cousine, sans la cuisine. C'est l'usine. Écoute, mon cousin. Je te prouve, mon cousin. Je te prouve, mon cousin. Je te prouve, je suis en train. En 2012, la famille Cheval de Troie, Révolution Acte 2. Révolution urbaine. Écoute mon rap, y'a pas de foutaise. Sortez les mailles, je vous baise. Pas de mytho, je prends pas des kilos de crack de cesse. Sur la plaque, le 13, rap, tu pèses. M'en bats les couilles d'être ton poteau. Respect mes jazz. Les gens se foutent de ton rap, le regard comment t'es vécu. C'est pas ta paire de Nike qui va te fabriquer ton vécu. Toi tu t'as vite lâché les études. Mais demande à pas témoin, je pense à mettre la daronne en sécu. Mais sais-tu, pendant des années j'ai dû gaspiller le temps. Oui, mais le temps je ne l'ai plus. Prendre les devants, que même le vent ne m'arrête plus. Donnez-moi des années, je vendrai même mon âme. Arrête de venir choquer le vice et la rise. Après du fop, flopé de produits, j'en t'écris. C'est dans le hip hop, quoi qu'on dise, on pense au bif puisqu'il faut des thunes. Et si ça paye, je tourne pas ma veille. J'achète une autre, et si c'est la guerre, mon frère, on va la faire. Y'aura pas de prisonnier, on tire dans le tas. Je répète, et si c'est la guerre, mon frère, on va la faire. Je peux tâcher un sourire, ne plaisante pas. Laisse-moi te prouver qu'il ne suffit pas de débiter. Lâcher des débilités pour des liquidités. Non, des phases et des vidées. C'est nom d'une minorité. Je pense m'arrêter au stop, mais j'ai grillé la priorité. Mon rêve à moi, c'est du lourd. Je mets du plomb dans ma plume. Et puis meurs, tu pas du meurtre. Tu te dis que c'est fabuleux. Tu rapenses les comme Borat, non, t'es pas fabuleux. À vrai dire, y'a pas de morale, c'est pas les fabuleux. Toi, tu stagnes. Moi, je suis instable, je te tacle. Dans la surface présumée coupable. Il n'est jamais trop tard pour que tu pètes un câble. L'histoire continue, c'est la révolution acte 2. Demande à Aquino. Je quitte moi, je fais pas de philo. Viens dans ma ville si tu veux vendre du pilon par kilo. C'est 2012, j'annonce le chaos à Babylone. Le savoir est une arme, 11-43 dans le stabilo. Caca dans l'axe, je te fais ragler à l'ancienne. Vu le AK des All Blacks, sors le AK-47. En pleine plaque 40 de plaques, même si c'est la Saint-Valentin. Les petits attaques et te plaques, les faits divers à l'ancienne. Pour me rapper, c'est facile. Oui, j'ai le flow assassin. Voilà les gamins cassés qui viennent casser tous les magasins. En direct de Cassie, on vient raser même le casin. Arrive classique en claquette. On reprend mon cassin. Appelle-moi Cézino et je kick vite piston. J'ai rappé aussi non remballe tes critiques bidon. Si ton daron dit non, moi je te pile pile Hilton. Si tu Tarantino, nous on veut kill pile Clinton. Ça sent là, ça sent là. Au quartier tu peux te faire pour une histoire de foot monnaie. Mon rêve de percer un coffre. Et si ta mère est la note, ça pourrait monter au parc pour une cuisine. Poussez-vous, on a les flammes dans la rétine. Inarrêtable stylo colle au doigt à cause de la résine. Pareil les coups avec ma rage sera difficile. Je m'attends depuis mon toit. Parachute doré dans le Louis V. Oui, du crack dans la cuisine. Je rappelle, j'ai peut poser sur la béquille. J'ai symptômes, je t'ai l'air mesquine. Le marabout est payé. J'ai gris sous la ceinture. Je traverse les vallées. Du coup, je refais la peinture. Sur le terrain du rap au copa. Au point de corner, je les mate marquer des points. C'est Rolda. Je pars en guerre, le sky dissoudra l'MDMA. Je vais fréter, on ne plus net. Allez sous l'organe vocal. Pour nos frères, on défoncera les charts comme une équipe de spatial. Ammoniac, coq, cac et les billets crack. Au cas où, attention, le tarmac muni d'un pare-balles. On tue les bêtes, argent, moi et mon équipe de macabre. Bête d'Ali, d'accord. Si c'est pas nul, hardcore, d'accord. Depuis qu'un bioman peut fumer, Terminator. Baiser de la mort, stigmate sur partie du corps. Et je contraignais d'une main de fer là où l'argent bronze sous l'or. Val de Troyes. Et dans les bras. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, les gars, on a les bras. Le 5 mais c'est dans les bras. Le 5 mais c'est dans les bras. Le 5 mais c'est dans les bras. Ok. Dans les bras. Le 5 mais c'est dans les bras. Il paraît que ça kick dans les cas. Dans les cas. Panama, Lyon, regard en gilant. Ça fait 7 pigeons les A. Je me vois piston déjà. À l'époque, me disant que peut-être dans 10 ans on sera les kings. Nous les gars, même si les flics nous les cassent. Le shit qu'on régale, stick pour tes gars. Je vois ta clique dans les bars. D'après les schlags dans le rap, quoi. Le sud se dégrade tous et ne car les autres sont pistons et grave. Dis-moi pourquoi jouer les narcos. Fumer un cigare à 1€. Tu joues les Castro devant les femmes trop. Font les mecs qui pèsent, mieux vaut deux putes qui se taisent qu'un homme qui parle trop, les gars. Pour descendre sur terre, on est là. Tu veux parler de ton rap, négro, moi je connais pas, on n'est pas la marchandise au détail. On va kicker pour vous mettre au moins 10 ans d'écart. OCRU qui débarque quand je vais de 3. On vient foutre le feu qui fait quoi. C'est sur Sky Rock pour tous les nôtres. On ramène de la qualité de la Blue Magic pour les vôtres. OCRU qui débarque quand je vais de 3. On vient foutre le feu qui fait quoi. C'est sur Sky Rock pour tous les nôtres. On ramène de la qualité de la Blue Magic pour les vôtres. J'habite dans l'une des rues les plus grades de toutes les rues d'Europe. Viens dans ma zone. Tous les chemins mènent à la rue de Rome. C'est un peu Belgrade. Faut y faire gaffe, ma sœur. Y'a quelques belles femmes, mais surtout de belles crasseuses. Ça, sur la mec sur nos têtes que des sales balafres. Te casse par la tête, faut que ça résonne jusqu'à Paname. J'débarque à la guerre, musique, grenade, calage. Aujourd'hui, salade, demain le César Palace. Yeah, les grands mondiaux, faut pas gâcher ton ballon. Réussis nique tout, car pour nous, j'ai perdu d'avance. Tu veux des affaires, viens Paris, c'est qu'on t'arrange. mange. Y'a qu'à mon banquier et ma daronne que j'ai des comptes à rendre. Dans ma tête, c'est pas net, c'est souvent la panique. Faudrait savoir aimer à la fleur en panique. Ça crève les yeux, ça rend aveugle à la montagne. Demande à Daniel, mieux vaut être saoul que mal accompagné. Si peu d'adversaires pour un tête à tête, jour de ton anniversaire, on te fait ta fête. On va faire simple et quoi qu'il arrive, tu peux pas t'aider. Suffit de joie et la vodka. Imagine Budapest, gros CRU, eux qui débarquent. Ton cheval de Troie, on vient foutre le feu qui fait quoi. C'est sur Sky Rock pour tous les nôtres, on ramène ta qualité. Nous magique pour les votes. Gros CRU, eux qui débarquent. En cheval de Troie, on vient foutre le feu qui fait quoi. C'est sur Sky Rock pour tous les nôtres, on ramène ta qualité. Magique pour les votes. J'appuie les aiguilles comme un go fast. Go fast, la gold strike. Mira, mira. La hype des Portugais à Port Black. Cabron ici les gosses braques. J'ai fait cette au plat. Arriba, arriba. T'es qui la San Jose, la grosse star. Opéra, c'est la zone. C'est ce qu'on dit. Ici, on grandit entre criminels et frères bandits. Fume les envies. Rond et tu verras qu'on se détruit. Tous les grandis. Rond à ton âge compté en mille. Fuis la combine. J'ai deux bouches à nourrir. J'ai posé sur ta compile. Et je lâcherai pas de sourire. Fais planer un air morbide que les vautours nourrissent. La concurrence, la torpille par tous les orifices. Viens pas te paumer, paumer. Ici c'est le zoo, on va te cogner, cogner. Moi c'est ton drôle là pour la monnaie, monnaie. R.U.E. l'équipe négro, tu connais, connais Flo. Topé, topé, viens pas te paumer, paumer. Ici c'est le zoo, on va te cogner, cogner. Marseille centre-ville là pour la monnaie, monnaie. R.U.E. l'équipe négro, tu connais, connais Flo. Topé, topé. Yeah. C'est la révolution acte 2. À la recherche du preneur. Yeah. Marseille centre-ville. Le 5, mais c'est dans les bras. Cheval de 3, le 5, mais c'est dans les bras. Dealer, le dealer, mais c'est dans les bras. J'ai vu des gars qui avaient la dalle, les gars calés pour du cash, fallait trouver la faille ou se castagner. En bas de chez moi, ça se fait la guerre pour des pascals. Si je suis pas là, faire des castagnes. Personne n'est à l'abri de se faire tuer. La dernière clope dans le paquet finit par se faire fumer. Voué à l'échec depuis la naissance, les frères nagent saoulés. Sont troublés, tous nos rêves finissent par couler. On se tape pour déconner, flash pour décoller. Sur le ciel, à croire qu'on pourrait voler la monnaie. Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Le commissaire était ce petit solitaire à l'école. Seul comme une arme dans son étui. Étui, étui. L'amour d'un bras et d'une aiguille, on s'épuise. Dans la merde, on abuse. Et si ça pue la pisse, c'est peut-être parce qu'on a bu. À la recherche du bonheur, la chance nous a peut-être oublié, mais la douleur on a. Les poches vides et bulleurs, le quartier deviendra fréquentable selon les humeurs. Et là, it's so dangerous. So dangerous. So dangerous. Yeah. À la recherche du bonheur, la chance nous a peut-être oublié, mais la douleur on j'ai a. J'ai vu des crames et crier, j'en ai marre. À leur mère, parlez mal. Tout ça pourquoi? Tout ça pour la toute dernière paire de Nike. J'suis pas là pour te dire que dans la merde je nage, mais pour te dire hélas que les vrais amis perdent la life. À l'heure où tous les médias parlent d'Allah, l'État nous pousse à bout, tout ça pour qu'on passe à la. Oh là là, on m'a dit rentre chez toi, c'est par là-bas. Sonne l'alarme avant de te faire écorcher par la lame. Tu pas de ceux qui te laisseront par terre. Donne-moi la main et relève la tête. Réussis, je te dis, Sartek. Oui, de ceux qui ne se laissent pas faire. Au caractère de merde, Zoltes. La rancune dans les artères. Brille le ciel au moins 5 fois. Vote à droite ou vote à gauche avant qu'on te place l'extrême droit. Roi, maintenant, n'y a qu'il le calme, rafou maintenant. Yé, yé, ma, yé, beba, c'est m'houlna, chéderna. À la recherche du bonheur, la chance nous a peut-être oublié, mais la douleur on a. Les poches vides et vuleurs, le quartier deviendra fréquentable selon les humeurs. Et là, it's so dangerous. So dangerous. It's so dangerous. Yeah. À la recherche du bonheur, la chance nous a peut-être oublié, mais la douleur. Marcella zona espigado, ore uno tem que luta. Usa luva, pra dos três filha da puta. Droga está cortado, tudo está orientado. Quando anda com o covado, fumando deixa metado. Criado com arroço, foco na minha morso. Entra na barra, o pódio, sino está na torso. Trilha pra pastilha, filha da puta, tá da mila. Quila pra dois mila, herói nos vida. De la corpé, les artères. Le poids des péchés en guise d'alter. La France de blindé, c'est charter. Les coupillères, ta bière. Au blé d'art pour passe-père. Non cumulé, blasphème. Cul but de ta tienne. J'fais partie de ces gars. Passe un bras. Trois mètres pile. Passe un tas. Mais on te casse un bras. Découvrez, on te lève. En quad. Mafia cop, c'est un prima, ta qui est fégué. Nos pots des bottes de chun, t'as la garafe et des cervejis. À la recherche du bonheur, la chance nous a peut-être oublié, mais la douleur on a. Les poches vides et bulleurs. Le quartier deviendra fréquentable selon les humeurs. Et là, it's so dangerous. So dangerous. So dangerous. Yeah. À la recherche du bonheur, la chance nous a peut-être oublié, mais la douleur on a. Cheval de Troie. Wouah. Les gars, les gars, les gars, les gars. Moi je vais dédicacer ça à monsieur Pate Pastore qui est dans la place. Frisqué. C'est pour toi. Révolution urbaine. Cheval de Troie, Marseille, centre ville. Bibou, Momo, ST. Dédicace. Ok. Yeah. Salam alaikum, je me présente. Z-I-N-O. À présent, ici. 00-MC. Je présente. 1-3-0-0-1. Ski. Je représente. Moi, je n'ai que les mecs de la barque. Les flics, bref, tout ce qui nous matraque. Je n'ai que les prêtres et les bâtards. Ceux qui font que je relève les quêtes nous rattrapent. On est tous derrière les barreaux. On n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Donc, demande à Jamal Poto. Pendant que dans la cabine, il est en train de rapper. Oh là là, ça refait le lac. Car voilà la génération d'Abila. Soigne la lame. Voilà du rappeur. Ça, non, pas du Francis à la lame. Oh Allah. Pardonne-moi de penser qu'au Prada ou dans le Che Gabbana. Tout en sachant que bien avant moi, le daron a traversé les mers à la nage. On fait du business illégalement. On a de la camé et des diamants, évidemment. Si tu veux de la coco, on transniffe et des médicaments. On nous demande du son qui tu on prend la rue dans mon écrit. Tu fais le moi Z-I-N-O. Dans la zone où t'as le bitume. Salam alaikum, je me présente. K-I-A-V-E-L. Je rappelle que la semaine commence à peine. Je pense à me fouiller les couilles. Je tiens la bœuf dans la tête. Pose le 17 ou bien roule-toi un petit pète. Ou bien change de morceau si tu veux du rap de pipelette. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne me fait bander peut-être. Je roule en CBR ou en GP, je vous laisse en pocket. Chez nous quand c'est la reste, deux ou trois pétards dans la chaussette. Aïnen, ta carotte, deux, trois fêtards sur la chaussée. J'ai plus que tu racontes, à force de l'ouvrir quand il faut. Trop de vis dans le faussaire. On traîne les faussaires. Chez toi tu gazes mais ici tu fais grave de la peine. On fait des trucs de barge et ton cerveau se gratte la tête. Si tu jacques une bouteille de Jack Daniel, les petits vont en boîte pour exploser des boîtes crâniennes. Salam alaikum, je me présente. À présent je crois que je vais poser le même couplet. Je plaisante. Encore une fois t'es dégoûté. Je représente DJ Metz qui tient les manettes. Amène-moi les que je les malmène. La talonne dans la magie. C'est MC d'une autre planète. Fumez le shit à l'année. Crois-moi que ça te rend parano. Marijuana inhalée. Pendant que papa prie vers le minard. On m'avait dit pas à l'alcool. Au shit surtout à la coque. Ici on est des bad boys. Non on ne baissera pas le caleçon. Même si j'ai rien foutu à l'école. Mais retiens bien la leçon. Ceux qui te disent avoir jamais péché ont déjà mordu à la meçon. J'ai vraiment tout lâché pour le son. On m'a dit tu vas t'en ronger les ongles. J'ai préféré écouter ma raison plutôt que d'amener le pain à la maison. Quand y a plus de cigarettes, tu te mets à gratter des galops. La concurrence me dit oh, je suis illégal comme Pablo. Révolution urbaine, rue sur Skyrock, cheval de Troie. Le 5 mai c'est dans les bacs. Merci à tous la famille. Mechtan, balance-nous un no live si tu peux. Bravo à vous en tout cas pour cette grosse session live à l'instant. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On met le no life? Ouais, on va. Non, on se le balance histoire de. Ouais. Allez, c'était, on renvoie no life. Si allez, restait du temps, c'était prévu. On vous dit à demain, Inch'Allah. No life et on va retrouver Difool dans un instant et la radio libre, c'est parti. Ah, bah c'est toi ou nous, comme tu veux, hein. C'est parti. Merci à tous la famille. Le 5 mai c'est dans les pommes. Formaté par MTV Bay. YouTube et le groupe Bilderberg. La drogue et de la bouffe de synthèse. Pour un cancer à la trentaine. Génération cocaine. MDM à Lil Wayne. Tatoué comme des rockstars. On veut peser jusqu'à The N. Qatar et Chine pour un monopoly de l'Europe. Et moi j'attends Marseille en nouvelle map sous Call of. Ils annoncent la neige dans les Caraïbes. Cet automne Disney fabrique d'enfants stars pour Gomorre et Sodome. Tu demandes pourquoi l'or se rachète. Pourquoi êtes-vous si bête? Quand les billets rempliront les brouettes pour une baguette. Nous tout ce qu'on veut c'est faire la fête. Et les réalités peut-être. Pas de réchauffement de la planète. Je peine à réaliser mes rêves. Marre de trimer, à se défoncer au taf. Enfermé dans nos idées. Génération no life. Le monde tourne à l'envers. Ce qui domine c'est l'audace. Toi t'en as rien à faire. Donc t'es bien dans tes godasses. Révolte. Plus on verra si ça passe avec une pyramide dans le cul. Plus de voitures à la chaîne, moins de fuel pour rouler. Peut-être qu'on verra Ben Laden au bord de la plage. Et puis après, moi je me demande où l'on vit. En France à ce que l'on dit. Même si Marseille a des allures de Colombie. Il paraît qu'il reste plus beaucoup de temps pour les traîtres. Une pensée pour le pape qui est parti en retraite. Tous ceux qui s'engraissent bien sûr te diront. Vaut mieux être un chien en Grèce qu'un chat en Iran. Je sais plus ce qui me choque le plus de toute façon. Un homme avec des ins ou bien du cochon dans le poisson. Je sais pas si tu sais qu'on est tous un peu dingue, qu'on est tous un peu fêlés. Pour un peu de monnaie, les jeunes ont décidé de plus viser les mollets. Maman change de chaîne, ce soir y'a mes fesses qui passent à la télé. T'inquiète pas, j'ai bien tweeté pour que le monde entier. tu vois le QI de ton bébé. Dopé, dopé, dès le petit déjeuner, shit. Antidépresseur riche en fibres pour affronter la journée. Stoppé, stoppé, l'aiguille du temps est impossible. Me faut du botox anti-rides pour l'éternelle beauté. Le monde des hommes est complètement fou. À force d'en mettre plein la vue, l'avenir est complètement flou. Depuis né Facebook, Twitter, Instagram, y'a pas qu'avec le shit que les neurones sur l'instant. Marre de filmer, à se défoncer au taf. Via Pokerstar, la routine en a marre, je peux faire le tour du monde en Vespa. C'est fini les Bahamas, on voudrait habiter dans l'espace. Sur la lune pour toucher les stars, nous on t'allume pour toucher l'extar. Un foot qui prend des paris, bientôt des Big Mac en Somalie. L'être humain est des manies, mais que va devenir ta mamie? Les instituteurs, les manifs, les restos du cœur, les manix. Des barbares et des sidaïques, des petites rabats qui jouent les caïds. Du shit dans les caddies, les femmes en lingerie, les barbus. I am in Nabila, en nouvelle égérie, j'ai Barbie. Puis sans lit par la racine, oh, prof de mathématiques. C'est l'enfer juste derrière la rue Paradis. Marre de filmer, à se défoncer au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine, c'est l'audace. Toi, t'en as rien à faire, tant que t'es bien dans tes godasses. Marre de filmer, à se défoncer au taf, enfermé dans nos idées. Génération no life, le monde tourne à l'envers. Et ce qui domine, c'est le cash. Toi, t'en as rien à faire. Génération no life, génération no life. Révolution urbaine avec Soprano, No Life, c'est extrait de l'album qui sort dans une semaine. Merci pour cette belle soirée, les gars. Merci à toi pour l'accueil. Et bah, demain, vous serez là un petit peu avant 20h. À demain. Voilà. Petit dédicace, petit message à ouais, passer. Je t'en prie. Je me disais. Grosse dédicace à mes deux enfants, Jordan et Chelsea, à ma belle famille, à ma famille, à tout le monde, à la famille Murat aussi, je sais qu'ils m'écoutent. Grosse dédicace à Momo et Esté qui sont au Heb, à Luin. Bientôt la sortie, Inch'Allah. Bibi, et moi, c'est pareil. Bon, la place. Kenzie. Oh les gars, ça n'ose pas naître un prank, on va dédicacer tout le temps. Non, moi pareil, je fais une dédicace à mes deux enfants, Mélissa et Caïs, voilà, je vous aime. À vendredi. Et pas tous ceux qui vous connaissent. Et tous les soirs, on pourrait faire des dédicaces, de toute façon, entre 20 et 21. Petite dernière pour la route. Voilà, mes amis proches. Enis, Djilali, Fouette, Amir, Nabil, Azdine, Chabot, tout le monde, la famille. Parti. On est là. Et bah, merci à vous tous. On va retrouver D-Fool maintenant qui doit être là de retour. Et oui, on est là, de retour. En pleine forme. En pleine forme, Fredo. Toute l'équipe aussi. Oui, ça révolutionne dur cette semaine alors. C'est avec ça. Révolution urbaine tous les soirs de la semaine. Et bien c'est à pas louper demain le retour, vous l'avez dit, juste avant 20h. Et là, bah, on arrive. C'est Samy qui va être content. Bah, Samy est content, Samy. Ambiance marseillaise pour toute la semaine en plus. Ça réchauffe, hein, Samy. Bah, ça fait plaisir. Après tout ce qui se passe là, hein, ça fait du bien. Hein. J'ai entendu, il a dit Marseille, c'est un peu comme la Colombie dans ses textes. Oui, j'ai entendu aussi. On a écouté, on écoutera demain 20h, 21h, Planète Rap à pas louper sur Skyrock, Révolution urbaine toute la semaine. Et demain avec toi, Fredo, même le 1er mai. Hein, pour, on sera là, on sera là. Oui, bah, c'est une semaine à pont hein, encore. Bien pratique ces semaines à pont. Oui, ça marche. Oui, moi j'aime bien aussi. Bon, ben, on sera là demain avant le pont, hein, bien sûr. Et avec Fredo. Salut Fred, salut Révolution Urbaine. À demain. Ciao, ciao. Et dans un instant, la radio libre. Content de vous retrouver en direct. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez débarquer ici. On vous attend tout de suite. Bah, tiens, on restera à Marseille avec Jules dans une minute pour démarrer cette soirée. Et vous tous en direct, évidemment, sur Skyrock jusqu'à minuit. Ciao.